1 Corinthiens chapitre 7. Or, quant aux choses dont vous m'avez écrit, je vous dis qu'il est bon à l'homme de ne pas se marier. Toutefois, pour éviter l'impureté, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme, la bienveillance qui lui est due, et que la femme de même la rende à son mari. Car la femme n'a pas son propre corps en sa puissance, mais il est en celle du mari, et le mari tout de même n'a pas en sa puissance son propre corps, mais il est en celle de la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est par un consentement mutuel, pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière, mais après cela retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Or je dis ceci par conseil, et non par commandement. Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a son propre don, lequel il a reçu de Dieu, l'un en une manière, et l'autre en une autre. Or je dis à ceux qui ne sont point mariés, et aux veuves, qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Mais s'ils ne sont pas continents, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et quant à ceux qui sont mariés, je leur commande, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point du mari. Et si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari aussi ne quitte point sa femme. Mais aux autres, je leur dis, et non pas le Seigneur, si quelque frère a une femme infidèle, et qu'elle consente d'habiter avec lui, qu'il ne la quitte point. Et si quelque femme a un mari infidèle, et qu'il consente d'habiter avec elle, qu'elle ne le quitte point. Car le mari infidèle est sanctifié en la femme, et la femme infidèle est sanctifiée dans le mari, autrement vos enfants seraient impurs, or maintenant ils sont saints. Que si l'infidèle se sépare, qu'il se sépare, le frère, ou la sœur, ne sont point asservis dans ce cas-là, mais Dieu nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras point ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras point ta femme? Toutefois que chacun se conduise selon le don qu'il a reçu de Dieu, chacun selon que le Seigneur l'y a appelé, et c'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un est-il appelé étant circoncis, qu'il ne ramène point le prépuce? Quelqu'un est-il appelé étant dans le prépuce, qu'il ne se fasse point circoncire? La circoncision n'est rien, et le prépuce aussi n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la condition où il était quand il a été appelé. Es-tu appelé étant esclave, ne t'en mets point en peine, mais aussi si tu peux être mis en liberté, use-en plutôt. Car celui qui étant esclave, est appelé à notre Seigneur, il est l'affranchi du Seigneur, et de même celui qui est appelé étant libre, il est l'esclave de Christ. Vous avez été achetés par prix, ne devenez point les esclaves des hommes. Mes frères, que chacun demeure envers Dieu dans l'état où il était quand il a été appelé. Pour ce qui concerne les vierges, je n'ai point de commandement du Seigneur, mais j'en donne avis comme ayant obtenu miséricorde du Seigneur, pour être fidèle. J'estime donc que cela est bon pour la nécessité présente, en tant qu'il est bon à l'homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche point d'en être séparé. Es-tu détaché de ta femme, ne cherche point de femme. Que si tu te maries, tu ne pèches point, et si la Vierge se marie, elle ne pèche point aussi. Mais ceux qui sont mariés, auront des afflictions en la chair, or je vous épargne. Mais je vous dis ceci, mes frères, que le temps est court, et ainsi, que ceux qui ont une femme, soient comme s'ils n'en avaient point. Et ceux qui sont dans les pleurs, comme s'ils n'étaient point dans les pleurs, et ceux qui sont dans la joie, comme s'ils n'étaient point dans la joie, et ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient point, et ceux qui usent de ce monde, comme n'en abusant point, car la figure de ce monde passe. Or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est point marié, a soin des choses qui sont du Seigneur, comment il plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié, a soin des choses de ce monde, et comment il plaira à sa femme, et ainsi il est divisé. La femme qui n'est point mariée, et la Vierge, a soin des choses qui sont du Seigneur, pour être sainte de corps et d'esprit, mais celle qui est mariée, a soin des choses qui sont du monde, comment elle plaira à son mari. Or je dis ceci, ayant égard à ce qui vous est utile, non point pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui est bienséant, et propre à vous unir au Seigneur sans aucune distraction. Mais si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur à sa fille de passer la fleur de son âge, et qu'il faille la marier, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pêche point, qu'elle soit mariée. Mais celui qui demeure ferme en son cœur, n'ayant point de nécessité qu'il marie sa fille, mais étant le maître de sa propre volonté, a arrêté en son cœur de garder sa fille, il fait bien. Celui donc qui la marie, fait bien, mais celui qui ne la marie pas, fait mieux. La femme est liée par la loi pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si son mari meurt, elle est en liberté de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit en notre Seigneur. Elle est néanmoins plus heureuse si elle demeure ainsi, selon mon avis, or j'estime que j'ai aussi l'Esprit de Dieu.